retourner la veste, alors que il retourne la reverse. Je vois du foot dans un parti, je sens représenté par personne ici. De toute manière, je vois être représenté. J'ai aucune conviction pour cette entité. Les mots qui m'entourent me montrent bien comme ça. Quand un travail qui vient du changement, évidemment c'est facile, j'arrive comme ça tu vois. Mais au moins, moi je suis content, bête et content. Nous on est apolitique, on aime pas la politique. On s'en fout d'être engagé, on tourne la tête pour être engagé. Yeah!